Radiomatic. We'll be right back. Selon Préambule à la transmission 076 d'Audiomatique, était l'œuvre du projet Micronaut mené par l'Américain Chris Randall, qui faisait autrefois partie de la formation Sister Machine Gun. Ici, il nous présentait sa composition Uncompressed, tirée de l'album Europa. Nous sommes les électronistes et nous vous convions à 60 minutes consacrées à la musique électronique. Pour en découvrir davantage sur l'émission, nous vous invitons à visiter notre profil facebook.com/audiomatique-cfou, où vous trouverez les liens nécessaires pour écouter toutes nos anciennes transmissions. Maintenant, l'enchaînement musical qui nous attend sera introduit par l'artiste montréalais Julien Sagot à Audiomatique. Thank you. vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Tout juste avant la pause publicitaire, nous entendions à Audiomatique le projet polonais Tanana, mené par Miro Kepinski, qui nous présentait la pièce Tesla Nation de son mini-album Trip. Précédemment, il s'agissait du groupe Men I Trust, originaire de la ville de Québec, et formé des instrumentistes Jesse Caron et Dragos Chiriac, et des chanteuses Odile Marmet-Rochefort et Emmanuelle Proux. Tirée de leur album Headroom, nous avions droit à la pièce Again, sur laquelle collabore Ghostly Kisses, qui est en fait un duo composé de Dragos Chiriac et de Margot Sauvé. Et pour débuter ce bloc, il s'agissait de Julien Sagot, bien sûr ex-batteur du groupe Carquois et également ex-membre de Power Up First. Il nous interprétait la pièce générique partie 2 de son album Valse 333 ou Valse 333. Nous nous posons toujours la question, quelle est la bonne prononciation de cet album de Julien Sagot? Si jamais vous désirez communiquer avec nous pour peu importe la raison, la meilleure alternative reste la voie électronique. Vous pouvez donc utiliser notre adresse courriel audiomaticcfou@commercialgmail.com pour nous faire parvenir vos messages. Musicalement, Audiomatique se poursuit avec le projet montréalais For the Birds. Thank you. Cette courte séquence musicale se terminait à Audiomatique avec le projet montréalais John Cohen Experimental et la chanson Love in Your Heart du mini-album Passion Pilgrim. Et tout juste avant, un autre projet montréalais, For the Birds, le pseudonyme de Victor Acala, nous interprétait la pièce Miraculous Shogun Decapitator, que l'on peut retrouver sur l'album Take Your Time, que vous pouvez télécharger sur son profil Bandcamp à l'adresse forthebirdsofficial.bandcamp.com en défrayant le montant qu'il vous plaira. Poursuivons sans plus s'attarder à Audiomatique avec la collaboration entre le projet montréalais Robert Robert et le projet français basé à Montréal Echo 6. Thank you. En conclusion de ce segment musical à Audiomatique, nous entendions le groupe brooklynois Yesayer et leur chanson Madder Red, remixée ici par The Golden Filter. Tout juste avant, l'artiste multidisciplinaire Thierry Gauthier, originaire de Chicoutimi mais établi à Montréal, nous présentait sa composition nostalgique de son album très justement intitulé Improvisation électronique. Et pour débuter, le projet montréalais Robert Robert, en collaboration avec le projet français Echo 6, menée par Charlie Martin, qui habite maintenant Montréal, nous offrait leur composition Fracture Zone du mini-album Not Self-Titled EP. Nous en sommes presque déjà rendus à la fin de la transmission 076 d'Audiomatique, et la chanson qui nous accompagnera jusqu'à cette fin s'intitule Queen Drum, composée par un autre groupe montréalais, soit Young Galaxy. Les électronistes qui vous remercient de votre attention et qui espèrent que vous avez su apprécier cette émission d'Audiomatique, nous vous rappelons que toutes nos anciennes transmissions sont disponibles à l'écoute en balado-diffusion sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. D'ici à la semaine prochaine, continuez à entretenir votre curiosité musicale et voici, comme promis, Young Galaxy et la chanson Queen Drum. Once I dwelt Running through the fields and flowers.